الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Continue traduction et quelques commentaires du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله, et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. Dernier cours, on avait expliqué combien de hadiths. من يذكر سعيد ومن حديث أنسل. طيب حديث عبد الله بن عباس, تفضل. كي سي بروبوز تفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في سفر بين الصلاة الظهر والعصر. أعيد. كان رسول الله ليس في الحديث, الحديث رواه سعيد هذا. يجمع بين الصلاة إذا كان على ظهر سير, ويجمع بين. أحسنت, بارك الله فيك. رواه البخاري تعليقا ومسلم. On avait expliqué ce que ça voulait dire, le hadith المعلق أو معلق البخاري. طيب, يقول المؤلف رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر. Puis l'auteur ouvre le chapitre du raccourcissement des prières pendant le voyage. القصر هو للصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر, وليس له سبب إلا السفر, لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر وشفقة عليه. Le raccourcissement. Qu'est-ce que le raccourcissement? Le raccourcissement concerne les prières composées de quatre unités de prières, qui sont al-dhuhr, al-asr et al-isha. Lorsque l'on parle de raccourcissement des prières, l'on parle de ces trois prières, al-dhuhr, al-asr et al-isha. Et l'imam Ibn al-Mundhir rapporte l'unanimité des savants de l'islam sur le fait que les prières de l'maghrib et de l'isha ne sont pas concernées par un quelconque raccourcissement. Non, al-maghrib et al-fajr, afwan. Que les deux prières de l'maghrib et de l'fajr ne sont en aucun cas concernés par une quelconque, par un quelconque raccourcissement. Et al-qasru, le raccourcissement, n'a d'autre cause que le voyage, car il fait partie des dérogations de celui-ci. Et une dérogation qui a été légiférée par Allah Azza wa Jal comme miséricorde envers le voyageur et comme gentillesse vis-à-vis de lui. Donc Allah Azza wa Jal a légiféré le raccourcissement de la prière comme une miséricorde pour le voyageur. Al-Hadith al-Tasi'u wal-Ishroun ba'd al-Mi'ah. Le 129e hadith. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qal sahibtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma il dit: j'ai été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'ajoutait pas en voyage plus de deux raka'at. Et Abu Bakr et Omar et Uthman étaient ainsi. Autrement dit, que Abdullah ibn Omar a côtoyé également Abu Bakr, Omar et Uthman, et eux aussi ne dépassaient pas, lorsqu'ils étaient en voyage, deux unités de prière. المعنى الإجمالي يذكر عبد الله بن عمر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم. فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد عليهما. Le sens général du hadith. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu raconte qu'il a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ses voyages. De même qu'il était en compagnie d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman pendant leur voyage. Et personne d'entre eux, ou plutôt chacun d'entre eux, raccourcissait les prières qui à la base étaient de 4 rak'at à 2 et ils n'ajoutaient pas à cela. Ils n'ajoutaient pas à cela. اختلاف العلماء اختلف العلماء في القصر هل هو واجب أو رخصة يستحب إتيانها. La divergence des savants. Les savants ont divergé concernant le raccourcissement. Est-il obligatoire de raccourcir des prières pendant le voyage ou est-ce une dérogation qu'il est recommandé de prendre? Ou est-ce une dérogation qu'il est recommandé de prendre? فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام والقصر أفضل وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر ونصره ابن حزم وقال إن فرض المسافر ركعتان. Les trois imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Et avant de parler de cela, il y avait une question qui avait été posée dans le dernier cours concernant من هما صاحبا أبي حنيفة تذكر؟ Une question qui avait été posée durant le cours dernier sur qui sont les deux compagnons de Abu Hanifa. Les deux compagnons d'Abu Hanifa sont le premier Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari wa kana qadiyan. والآخر محمد ibn الحسن الشيباني. محمد ibn الحسن الشيباني et Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari. Ce sont eux qui sont voulus dans les livres de fiqh, lorsque sont cités dans ces livres de fiqh, Abu Hanifa et ses deux compagnons. Abu Hanifa et ses deux compagnons, ce sont les deux précédemment cités. Donc, sur le jugement du raccourcissement, est-il obligatoire ou est-il préférable? L'avis des trois imams, l'imam Malik, Shafi'i et Ahmed, est qu'il est autorisé d'accomplir la prière dans sa totalité, c'est-à-dire de ne pas la raccourcir, mais de raccourcir et ce qui est meilleur. Autrement dit, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed considèrent que de raccourcir la prière est une chose qui est recommandée et non obligatoire. L'avis de l'imam Abu Hanifa est qu'il est obligatoire de raccourcir la prière. Et c'est un avis qu'a soutenu également l'imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit que l'obligation pour le voyageur est de faire 2 rak'at. Wa adillatul mujibin lil qasr mudawamatun nabiy alayhi salatu wassalam alayhi fi asfarih wa ujiba bi anna al fi'l la yadullu ala al wujub 'inda al jumhur wa istadallu aydan bi hadith 'Aisha fi as-sahihayn فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة. Quelle est la preuve de ceux qui considèrent que de raccourcir la prière est une obligation? Leur preuve tout d'abord est l'habitude qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toujours raccourcir ses prières pendant ses voyages. La preuve de ceux qui disent que c'est obligatoire. Et les autres savants qui disent que ce n'est pas obligatoire ont répondu à cet argument en disant que c'est un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'acte n'est pas une preuve de l'obligation chez la plupart des savants. Et ceux qui considèrent que de raccourcir la prière est une obligation ont une autre preuve qui est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit que la prière a été rendue obligatoire composée de 2 rak'at. Que lorsque la prière a été rendue obligatoire, les prières étaient composées de 2 rak'at. Puis, elles ont été maintenues pour la prière du voyageur. Elles ont été maintenues à deux pour la prière du voyageur. Et elles ont été complétées pour la prière du résident. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a été répondu à ce hadith que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'est la parole de Aisha radiallahu anha, qu'elle n'a pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de plus que Aisha radiallahu anha n'a pas assisté ou n'était pas présente aux premières années où la prière a été rendue obligatoire. La preuve maintenant de la plupart des savants qui considèrent que le raccourcissement de la prière n'est pas obligatoire. Amma adillatul jumhur ala adami wujub al-qasr fa qawluhu ta'ala falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة وبأن الأصل الإتمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني وقال إسناده حسن وقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف وبأن الحديث متكلم فيه حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قلت الأولى للمسافر أن لا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه لأنه الأفضل عند عامة العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه في الاختيارات كراهة الإتمام وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم وقال الشيخ تقي الدين أيضا قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء. Quant aux preuves, la majorité des savants qui considèrent que de raccourcir la prière n'est pas une obligation. Ils utilisent pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le verset 101 de sourate An-Nisa, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Et il n'y a pas de mal pour vous de raccourcir la prière. Le fait qu'il n'y ait pas de mal à raccourcir la prière, cela veut dire que c'est une dérogation. Que ce n'est pas une obligation. Car si c'était une obligation, il aurait dit raccourcissez. Et non pas, il n'y a pas de mal à raccourcir. Et cela prouve également que s'il n'y a pas de mal à raccourcir, c'est que la base et que la prière, elle est complète. C'est que à la base, la prière elle est complète et Allah Azza wa Jalla a dit et il n'y a pas de mal à la raccourcir. Donc cela prouve que de raccourcir est une chose recommandée et non obligatoire. Et la seconde preuve est le hadith de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccourcissait pendant le voyage, de même qu'il complétait, il ne jeûnez pas et jeûnez. Dans ce hadith d'Aïcha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le voyage, raccourcissait et complétait sa prière, et pendant le voyage, il jeûnait, et des fois, il ne jeûnait pas. Hadith rapporté par l'imam ad-Darqutni. Et il a été répondu à ces preuves, tout d'abord que le verset cité n'est pas en rapport avec le voyage, mais avec la prière de la peur. Mais en rapport avec la prière de la peur, Allah Azza wa Jalla dit فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Si vous avez peur, que vous tentent ceux qui ont mécru, c'est-à-dire pendant le combat. Donc là, pendant le combat, il est autorisé de de raccourcir la prière. Et on l'a vu, non, les caractéristiques, on le verra par la suite, Inch'Allah, qu'il y a plusieurs façons de faire la prière de la peur, qui est une prière accomplie notamment lorsque l'on est en état de guerre. Autrement dit, que ce verset n'a pas de rapport avec le voyage. Et il a été répondu au hadith de Aïcha que c'est un hadith faible, au point que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que ce hadith est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que faire? Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah dit, je dis, le mieux pour le voyageur est qu'il ne délaisse pas le raccourcissement en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en sortant de la divergence. Car c'est ce qu'il y a de mieux à faire chez la plupart des savants. Dans des sujets comme ça, on peut facilement sortir de la divergence en raccourcissant à chaque fois nos prières lorsque l'on est en voyage. Ni tu auras contredit ceux qui disent que c'est préférable car ils te recommandent de le faire, ni tu auras contredit les savants qui ont considéré que c'est une obligation car tu l'auras fait. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a été rapporté de lui qu'il détestait le fait de compléter la prière en voyage. Et il rapporte qu'il a rapporté une parole de l'imam Ahmad rahimahullah dans laquelle l'imam Ahmad rahimahullah s'est abstenu de répondre sur la validité de la prière de celui qui accomplit la prière complète en voyage. Il a été questionné, celui qui accomplit la prière complète en voyage, est-ce que sa prière est valide ou pas? Il s'est abstenu. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non, mais ça veut dire que c'est un sujet qui est délicat et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ainsi, le musulman doit sortir de la divergence en raccourcissant sa prière lorsqu'il est en voyage. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et il est connu bit-tawatur, c'est-à-dire de plusieurs chaînes de transmission, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son voyage ne priait que 2 rak'at et faisait de même Abu Bakr et Omar. Et ceci prouve que de prier 2 rak'at est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est l'avis de la majorité des savants. ما يؤخذ من الحديث اولا مشروعيه قصر الصلاه الرباعيه في السفر الى ركعتين. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, qu'il est légiféré de raccourcir des prières qui à la base sont de 4 rak'at en 2, et ceci pendant le voyage. ثانيا, إن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم. Deuxièmement, que de raccourcir la prière pendant le voyage est la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, de même que c'est la sunna de ses califes bien guidés. ثالثا, إن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة. قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وبعضهم لم يجيز القصر في سفر المعصية والصحيح أن رخصة عامة يستوي فيها كل أحد. Troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que de raccourcir la prière est une dérogation qui est général au voyage. Lorsque tu voyages pour le Hajj ou lorsque tu voyages pour le combat dans le sentier d'Allah, et tout voyage qui comporte une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple de voyager pour aller rendre visite à sa famille, c'est un voyage qui comporte une obéissance. Donc ça, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est autorisé ou qu'il est préférable de raccourcir la prière lorsque tu voyages pour le Hajj, lorsque tu voyages pour le combat dans le sentier d'Allah, ou lorsque ton voyage comporte une obéissance à Allah Azza wa Jal. Et les savants ont également ajouté à ce voyage les voyages autorisés, mubah, qui ne comporte pas forcément d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. tu te rends dans un pays pour changer d'air, et là-bas il n'y a pas de péché, etc., dans ton voyage, c'est un voyage qui est autorisé. Et dans ce voyage également, il t'est préférable et recommandé de raccourcir tes prières. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit, et la majorité des savants autorise de raccourcir la prière dans tout voyage autorisé. Et certains ne l'autorisent pas dans les voyages de désobéissance. Dans les voyages de désobéissance, certains savants ne l'autorisent pas. Comme Cheikh Al-Albani entre autres, Cheikh Ibn Baz également, qui n'autorise pas de raccourcir les prières lorsque tu voyages pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu ne peux pas utiliser une dérogation d'Allah pour lui désobéir. والصحيح أن رخصة عامة يستوي فيها كل أحد. Et l'imam Nawawi rahimahullah dit, et ce qu'il y a de plus vrai, ou la vérité, est que c'est une dérogation qui est générale, dans laquelle tout le monde est égal. À savoir ceux qui voyagent en faisant une obéissance, ou ceux qui voyagent en faisant une désobéissance. L'avis de l'imam Nawawi rahimahullah, c'est que dans tous les cas, il est autorisé de faire le raccourcissement. Avec le hal, il y a une divergence des savants sur le voyage comportant une désobéissance. Le musulman a-t-il le droit de raccourcir sa prière pendant celui-ci ou non? Il y a divergence des savants, et l'avis de l'imam Nawawi rahimahullah est que cela est autorisé. Rabi'an, لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية حيث سهل عبادته على خلقه فإنه لما كان السفر مظنة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة وإذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة أيضا خفف عنهم بعض الصلاة أيضا. Quatrièmement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Et cela prouve également la grandeur de cette législation musulmane. Ceci car Allah azza wa jal a facilité son adoration à ses adorateurs. Et parce que le voyage comporte des difficultés, comporte quelques souffrances, Allah azza wa jal a légiféré à ses serviteurs de raccourcir la prière. Et si la difficulté est grande lorsqu'ils combattent l'ennemi, alors Allah azza wa jal leur a allégé encore plus la prière. Point qu'il y a la prière appelée Salatu al-Musayafah, la prière de l'épée, si on traduit comme cela, qui est le fait de prier tout en combattant l'ennemi, car il n'y a pas d'autre choix. Et on a vu que dans certaines façons de prier la prière de la peur, il n'y a que une rak'at, puis tu retournes au combat et tu reviens terminer la deuxième. D'accord? Donc il y a des dérogations, et plus la difficulté est grande, et plus la facilité également est grande. C'est pour cela que la règle en islam est Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, que la difficulté entraîne la facilité. Et bien sûr, il faut prendre cette règle et l'appliquer comme l'ont appliqué les savants, et ne pas l'appliquer à travers ses passions ou à travers ses envies personnelles. Non. Al-mashaqqatu, la difficulté, c'est la difficulté qui est reconnue en islam comme étant une difficulté. Et la facilité qui en découle, c'est une facilité qui est reconnue par l'islam et que l'islam te permet. Ce n'est pas une facilité que tu apportes de toi-même. Comme ceux qui disent, je ne peux pas faire ma prière au travail, je rattrape toutes mes prières le soir quand je rentre. Et ils te rapportent comme preuve cette règle que la difficulté entraîne la facilité. Est-ce que c'est une difficulté? C'est à revoir. Est-ce que c'est une facilité que tu as utilisée? La réponse est non. Au contraire, c'est un des plus grands péchés de retarder, de ne pas faire sa prière à l'heure. خامسا السفر في هذا الحديث مطلق لم يقيد بالطويل والأحسن أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سمي سفرا أما تقييده بمدة معينة أو بفراسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويتعادونه فما كان عندهم سفرا فهو سفر. Cinquièmement, le voyage qui est cité dans ce hadith est un voyage qui n'est pas restreint, ni dans la durée. Il n'est pas restreint dans la durée. Ainsi, le mieux est de laisser le terme voyage comme il est, et que la dérogation peut être utilisée pour tout ce qui est appelé voyage. Quant au fait de restreindre ce voyage à une durée déterminée ou à une distance précise, cela n'est soutenu par aucun texte. Puis, Cheikh Bassem, hafidhahullah, cite la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en disant que le voyage n'a pas été limité par Allah Azza wa Jal. Et il n'a pas de limite même dans la langue arabe. Le voyage n'a pas été limité dans la religion, ni par une durée, ni par une distance. Et le terme voyage en arabe n'a pas de limite également. Ainsi, l'on retourne concernant la définition du voyage à ce que les gens définissent comme voyage et à ce qu'ils considèrent comme voyage. Ce qui est considéré chez les gens comme un voyage, alors c'est un voyage. Et ceci diffère d'une ville à une autre, d'un département à un autre, d'une contrée à une autre, etc., etc. Il y a des voyages, des déplacements qui sont considérés comme un voyage chez certaines personnes qui peuvent être des distances de 20-30 km et d'autres déplacements qui sont de 80 plus ou moins de kilomètres qui ne sont pas considérés comme un voyage chez certaines personnes, certaines personnes. Ainsi, dans l'endroit où tu habites, lorsque tu te déplaces dans telle ou telle ville, eh bien, regarde ce qui est connu chez les gens. Est-ce que les gens considèrent cela comme un voyage ou ne le considèrent-ils pas comme un voyage et tu te fies à cela? Et tu te fies à cela tout en sachant que cela diffère en fonction des gens. Les gens n'ont pas la même notion et n'ont pas la même définition du voyage. Est-ce que c'est clair? Namr. Donc le sabab c'est pas le voyage c'est pas le seul sabab de partir. Non. Ce n'est pas le seul voyage. Non. Ce n'est pas le seul moyen. Au début c'est vraiment tel qu'il le dit. À moins que il considère que qu'il y ait les deux en fait, qu'il y ait à la fois le voyage et le jihad. C'est pour ça qu'il parle de safar et le jihad. Non. En général. Le professeur Hassan, lorsqu'il a fait ses batailles, la plupart étaient à l'extérieur, à part Uhud, mais la plupart étaient à l'extérieur, donc ils étaient déjà en état de voyage. Allahu a'lam. Je vais quand même vérifier ce point sur le fait que est-ce que le voyage est le seul moyen qui autorise le raccourcissement de la prière, ou est-ce que le combat également, le fait de combattre l'ennemi, en est aussi une cause. Déjà, il le dit, Abdullah al-Bassam, Cheikh le dit déjà dans l'introduction. وَلَيْسَ لَهُ سَبَبٌ إِلَّا السَّفَرُ. طيب يقول المؤلف رحمه الله باب الجمعة في الشيخ انتم لو شابيتر دو الجمعة du vendredi. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقد خص الله به المسلمين وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا على هذه الأمة ولهذا اليوم خصائص من العبادات وأعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجرها وسورة الكهف في يومها وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها والذهاب إليها مبكرا والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب ثم الإنصات لخطبته لأن في ذلك اليوم ساعة استجابة لا يرد فيها الداعي وقد اختلف في تعيينها العلماء فمنهم من قال إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة ومنهم من قال إنها آخر ساعة بعد العصر وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد كما أن للصلاة فيها خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والتأكيد على إتيانها وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها وتقدم الخطبتين عليها والجهر في قراءتها وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها وقد جاء من التشديد في التخلف عنها ما لم يأتي في صلاة العصر لذا أجمع المسلمون على أنها فرض عين وقالوا إنها أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة وقد أفرد لها الشيخ ابن القيم فصلا مطولا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. Le chapitre 2 du vendredi. Le jour du vendredi est le meilleur jour de la semaine. Et Allah Azza wa Jal a accordé ou a spécifié ce jour comme un jour pour les musulmans. Et il a égaré de ce jour les autres communautés qui nous ont précédés. Les chrétiens ont pris le jour du dimanche, les juifs ont pris le jour du samedi. Mais Allah Azza wa Jal a spécifié le vendredi à la communauté musulmane. Et ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur notre communauté. Et ce jour a des spécificités dans les adorations. La plus grande de ces spécificités est la prière du vendredi, qui est l'une des prières les plus obligatoires. De même qu'il est recommandé durant ce jour de lire les deux sourates, Al-Sajda, la prosternation, et Al-Insan, dans la prière de l'Fajr, Al-Sajda dans la première raka'ah et Al-Insan dans la seconde. De même qu'il est préférable ce jour-là, ce jour du vendredi, de réciter la sourate Al-Kahf, la caverne. De même que ce jour, il est recommandé de beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se laver, de se parfumer et de porter les meilleurs vêtements que l'on puisse mettre. De se rendre à la prière du vendredi tôt et d'occuper l'attente de l'imam par du rappel et des invocations. Puis d'écouter le prêche de l'imam. Et il y a dans ce jour du vendredi une heure dans laquelle les invocations sont exaucées. Les invocations ne sont pas rejetées. Et les savants ont divergé sur la définition de ce moment. Certains ont dit, c'est du moment où l'imam s'assied sur le minbar jusqu'à la fin de la prière. Et d'autres ont dit que c'est la dernière heure après la prière de l'Asr. Et c'est, ce dernier avis, la parole de la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in. Et c'est l'avis qu'a choisi l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. De même que cette prière du vendredi a des spécificités qui ne sont pas présentes dans les autres prières, comme le fait de se réunir et le fait d'appuyer le fait de s'y rendre, qu'il est une condition, ou c'est une obligation pour le résident. C'est une obligation pour le résident. Est-ce que le voyageur il est obligatoire de prier le Jumu'ah ? Non. Par contre, le voyageur doit faire sa prière en général. Donc, parmi les spécificités de la prière de Jumu'ah, c'est que la personne doit être résidente. De même que, parmi les spécificités de cette prière, c'est qu'elle est précédée de deux prêches, de deux discours de l'imam. Parmi les spécificités de cette prière, c'est qu'elle se fait à voix haute, alors que la prière de Dhuhr se fait à voix basse. Parmi les spécificités de cette prière, c'est qu'il est interdit de vendre et d'acheter après l'appel à celle-ci. Lorsqu'il y a l'adhan de Jumu'ah, fadharul bay'. Il faut s'abstenir et arrêter toute transaction, que ce soit une vente ou un achat. Et il a été rapporté comme châtiment et comme réprimande pour celui qui la délaisse, une réprimande plus grande que, ou une réprimande qui n'a pas été rapportée pour Salat al-Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant Salat al-Asr, lorsque les polythéistes l'avaient occupé à faire la prière, car il était en train de les combattre, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Qu'Allah remplisse leur bouche et leur maison de feu, comme ils nous ont occupés vis-à-vis de la prière de l'Asr. Et concernant la prière de Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse trois fois la prière de Jumu'ah, Allah Azza wa Jal scelle son cœur. Allah Azza wa Jal scelle son cœur. Et un cœur scellé par Allah Azza wa Jal est un cœur qui est condamné au la'yadu billah, qui ne peut profiter de rappel, qui ne peut profiter de bien au la'yadu billah. Et c'est pour cela que les musulmans sont unanimes sur le fait que la prière de Jumu'ah est une obligation pour chacun des musulmans. C'est une obligation pour chacun des musulmans. Bien sûr, on verra par la suite que les femmes et les enfants ne sont pas concernés. Et les savants ont dit que c'est le meilleur rassemblement des musulmans, hormis le rassemblement de Arafat. Le rassemblement de Arafat est le meilleur. Et ensuite vient le rassemblement du vendredi. Et Cheikh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah a consacré un long chapitre au vendredi dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad. Dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثلاثون بعد المئة le 130e حديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي رواه البخاري ومسلم وفي لفظ رحمك الله وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة. Le 130e hadith, qui est le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, qui dit que des hommes ont débattu sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quel bois était-il construit? فقال Sahl radiyallahu anhu dit من طرفاء الغابة d'un arbre appelé طرفاء qui est situé à Al-Ghaba, et l'on verra par la suite ce que cela signifie, que c'est un endroit situé à l'est de Médine. Et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam monter dessus, faire le takbir. Et les gens ont fait le takbir derrière lui alors qu'il était sur le minbar. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné et a descendu les marches jusqu'à s'être prosterné au bas du minbar. Donc ici, le prophète est descendu du minbar et s'est prosterné sa tête au pied du minbar. Puis, il est remonté jusqu'à avoir fini sa prière. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers les gens et leur a dit, « Oh les gens, j'ai fait cela afin que vous me preniez comme exemple et que vous appreniez ma prière. » Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dans une autre version, il a prié en étant sur le minbar, puis a fait le takbir sur le minbar, puis il s'est relevé en étant sur le minbar, il s'est relevé, c'est-à-dire du rukua. Puis il a descendu les marches. Nazala al-Qahqara. Gharib al-Hadith. Les termes qui méritent explication du hadith. Dans le hadith. Tama raw ay tajadalu min ayi shay'in al-minbar aw yakunu min al-mirya wa hiya ash-shak. Tama raw, c'est-à-dire ils ont débattu de quoi était construit le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien cela a aussi le sens de « ils ont douté sur la matière ou de quoi était fait le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Thaniyan, tarfa il-ghaba. At-tarfa shajarun yushbihu al-athl. Illa anna al-athla a'zama minh wa manabatuhu al-ardu al-sabkha ka ardi al-madinati al-munawwara. Al-ghaba al-shajaru al-multaf. والمراد به هنا موضع في عوالي المدينة يقع منها غربا. طرفاء الغابة. الطرفاء c'est un arbre qui ressemble à un autre arbre appelé al-athl, qui est en français le tamari. Donc c'est un arbre qui ressemble au tamari, sauf que le tamari est plus grand que lui, est plus imposant que lui, et c'est un arbre qui pousse dans des terres comme celle de Médine. Et al-ghaba, al-shajarul multaf, ce sont des arbres enveloppés, mais ce qui est voulu ici, dans ce hadith, c'est un endroit à Médine qui se trouve à l'ouest. C'est un endroit à Médine qui se trouve à l'ouest. Donc c'est de ce bois qui a été construit, c'est du bois de cet arbre qui ressemble au tamari, qui a été construit le minbar du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Troisièmement, al-qahqara, ay raja'a ila al-khalf min ghayri an yaj'ala wajhahu ila jihati mashyihi, wal-qahqara ismun maqsur. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu les marches. Al-qahqara ici, il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu les marches tout en faisant dos aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, la qibla était en face du minbar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est relevé du rukou', a descendu les marches tout en ne déviant pas de la qibla et en faisant dos aux gens. Et al-ism al-maqsour, cela est en rapport avec l'arabe, c'est un nom qui est conjugable, et c'est-à-dire dont les voyelles changent et dont la dernière lettre est un alif qui est précédé d'une fatha, comme ici al-qahqara, ici le alif qui asluhu ya est considéré comme un ism maqsoul qui a des particularités, notamment lorsqu'on l'utilise dans al-tathniya wal-jam, comme par exemple huda, c'est un ism maqsoul, fata, c'est un ism maqsoul, mustafa également, c'est un ism maqsoul. رابعا ولتعلموا صلاتي وهو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية وأصله تتعلموا بتأين. Ici le professeur Sam a dit ولتعلموا صلاتي. Ça est autorisé et à la base ça aurait été ولتتعلموا صلاتي avec deux ta. المعنى الإجمالي تباحث أناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فكان سهل بن سعد أعلم أهل زمانه لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاءوا إليه ليبين لهم ويزيل مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة وتثبيتا لخبره قال لهم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه للصلاة فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع ونزل منه ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فطلع عليه وما زال يطلع عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته ثم انصرف وأقبل على الناس فقال ما قاله مرشد فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله مرشدا لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل من الطلوع على المنبر والنزول إلا ليروا صلاته فيتعلموا منه ويقتدوا به. Le sens général du hadith. Des personnes ont débattu sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quel bois était-il constitué. Et Sahl ibn Sa'd, As-Sa'idi radiyallahu anhu, était le plus savant de son époque. Car c'était le dernier ou l'un des derniers, c'est le dernier à être décédé parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Faja'u ilayhi, ils sont venus à lui afin qu'il leur explique et qu'il enlève le doute qu'ils avaient. Et Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu leur a informé que le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fait du bois de l'arbre Tarfa ul Ghaba. Et pour appuyer cette information qu'il leur a donnée, il leur a dit qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam monter sur ce minbar alors qu'il faisait la prière. Il a fait le takbir et les gens ont fait le takbir derrière lui. Alors qu'il était sur le minbar, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le recours et est descendu du minbar. Et il est retourné, il s'est reculé jusqu'à s'être prosterné au pied du minbar. Puis, il est remonté dessus. Et il ne cessait de monter sur le minbar lorsqu'il était debout et de descendre de celui-ci pour se prosterner jusqu'à avoir terminé sa prière. Jusqu'à avoir terminé sa prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il est monté et descendu combien de fois ? Non ? Deux fois ? C'était pas pendant le Jumu'ah ? Non. Quatre descentes et quatre montées. Non, donc ça fait huit déplacements. ثُمَّ عَادَ نَعَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاتِ jusqu'à ce que le prophète sallam ait terminé sa prière. Puis, il s'est tourné vers les gens et leur a expliqué en disant que qu'il n'avait fait cela, le fait de monter et de descendre du minbar, que pour qu'il voie sa prière, afin qu'il l'apprenne et le prenne en exemple, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan tabahuthu tabi'in fil ilm, wa adabihim fil rujou'i ila al-ulama alladhina akhadhuhu min qablihim. Premièrement, les débats des tabi'in, car cela a eu lieu pendant l'époque des tabi'in et l'époque où il n'y avait que quelques compagnons comme Sahl ibn Sa'd. Donc les tabi'in parlaient de science entre eux et parmi leur comportement dans la science, c'est qu'ils retournaient aux savants. Ils retournaient aux savants qui ont pris la science avant eux. ثانيا جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة كتعليمهم كيفية الصلاة فإن لم يكن لحاجة فيكره لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مقام أرفع من مكانهم رواه أبو داود. Deuxièmement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est l'autorisation pour l'imam d'être élevé par rapport à ceux qui prient derrière lui pendant la prière lorsqu'il y a dans cela un besoin. Comme le fait de leur renseigner comment faire la prière. S'il n'y a pas de besoin à cela, alors cela devient détestable. Cela devient détestable que l'imam soit élevé, pris dans un endroit élevé par rapport à ceux qui prient derrière lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme préside derrière un peuple, qu'il ne se positionne pas dans un endroit élevé par rapport à leur endroit. Qu'il ne se positionne pas dans un endroit élevé par rapport à leur endroit, c'est-à-dire à ceux qui prient derrière lui. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Thalithan, jawazu al-harakati al-yasirati lil-hajati, fa'innaha la tadurru al-salah. Troisièmement, l'autorisation de faire quelques mouvements, lorsqu'il y a dans cela un besoin, car ces mouvements, lorsqu'ils sont faits pour un besoin, ne portent pas préjudice à la prière. Rabi'an, وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعاله من سنته التي تتبع ويحافظ عليها. Quatrièmement, on retient de ce hadith l'obligation de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم et que ses actes font partie de sa sunnah qui doit être suivie et auquel on doit prendre soin. Car le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait cela, il a donné la réponse ou la cause afin que vous appreniez ma prière et que vous me preniez comme exemple. Autrement dit, que vous me suiviez. Et non pas seulement de savoir comment le professeur Saint priait et ne pas le mettre en pratique par la suite. Le but de la science, c'est la pratique, al-amal. C'est pour cela que les savants disent que la science, ce n'est qu'un moyen. La science, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Celui qui prend la science comme un but, il n'a rien compris à la science. La science, c'est un moyen qui te permet d'adorer Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela que la science, c'est soit une preuve pour toi, soit une preuve contre toi. Si tu sais et que tu n'appliques pas, c'est une preuve contre toi. Donc la science, c'est un moyen que tu utilises pour arriver au but d'adorer Allah Azza wa Jalla et d'acquérir sa satisfaction. سادساً خامساً عفواً وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم فإنه جمع بين القول والفعل الذي يصور لهم به حقائق الأشياء. Cinquièmement, il y a dans ce hadith la preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم avait le meilleur moyen d'enseigner aux gens. Car il a rassemblé entre les paroles et les actes, qui permet aux gens, ces actes qui permettent aux gens de se donner une image de la réalité des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons comment faire la prière, mais en plus des paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré en pratique. Car celui qui voit une chose, ce n'est pas comme celui qui l'entend uniquement. Sadisan, فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. Sixièmement, il y a dans cela une preuve de l'autorisation de faire une prière dans le but d'enseigner. Ici le professeur Hassan a-t-il fait une vraie prière ou a-t-il fait une simulation? Une vraie prière, il y avait des gens derrière lui. Donc le prophète a fait une vraie prière, mais dans quel but? D'enseigner. Ainsi, cela n'impacte pas la sincérité. Cela n'impacte pas l'insincérité d'une part et la concentration d'autre part. Car le prophète était celui qui se concentrait le mieux dans sa prière, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui se concentrait et qui avait de l'humilité plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or, il a fait la prière dans le but d'enseigner. Donc, et Cheikh Al-Bassam dit, bien au contraire, c'est un plus, c'est une adoration en plus d'une adoration. Qui est la prière, qui est une adoration en soi, mais en plus de cette prière, il y a l'autre adoration qui est d'enseigner aux gens. Et d'enseigner aux gens, d'appeler Allah Azza wa Jal, c'est une adoration, et c'est même, comme on l'a vu dans le cours précédent, l'une des meilleures et plus immenses adorations. On اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك